cher, la voiture c'est cher, et le métro c'est cher. La voiture c'est cher, et à pied ça fait chier, je ne sais plus quoi faire. Le lundi soir pour aller au coiffeur, ouais, j'ai les idées claires. C'est clair, c'est cher, on ne peut plus rien faire. J'en veux pas, mais toi, tu veux qu'on aille manger n'importe où. J'en veux pas, mais toi, tu veux mes sous, tu veux mes sous. J'en veux pas, mais toi, tu veux qu'on aille manger n'importe où. J'en veux pas, mais toi, tu veux mes sous, tu veux mes sous. Les impôts c'est cher, les courses c'est cher, le clair ça fait cher. Vendre une meuf c'est cher, l'adultère c'est cher, les putes c'est cher. J'ai pas de voiture, j'ai pas de chien, j'mets pas de croquettes dans son assiette. J'ai pas de vélo, j'ai pas de meuf, j'mets pas de croquettes dans son assiette. J'ai pas de voiture, j'ai pas de chien, j'mets pas de croquettes dans son assiette. J'ai pas de vélo, j'ai pas de meuf, j'mets pas de croquettes dans son assiette. J'en veux pas, mais toi, tu veux qu'on aille manger n'importe où. J'en veux pas, mais toi, tu veux mes sous, tu veux mes sous. J'en veux pas, mais toi, tu veux qu'on aille manger n'importe où. J'en veux pas, mais toi, tu veux mes sous, tu veux mes sous.